Pasta. Je te jure, mon rap passera les barbelés et les tranchées. Et tu pourras plus dire que toi et moi restons les étrangers. J'suis parti comme on sort du ballon. La dalle de sec, sa balle de sec. J'entame ce zeste, me sens du ballon. Un riche ne mange qu'avec les siens glaça. J'ai compris ça marche en dans les pas d'un chien de Gaza. À l'opposé, on prend des coups à force de trop causer. Où t'as vu qu'un ange te coupe ses propres ailes pour te les proposer là-bas. Ce que toi, sourire et malheur vaut de tout. Chaque homme, femme a une valeur. La leur vaut le double. Cherche pas, cherche plus là-bas, c'est Dakar. J'ai laissé mes mes bulles, il a cette agarre. Les leurs sont des 8 et 3 quand c'est la merde. Les chemins de la vie deviennent vite étroites quand c'est la merde. Mille, y'a la douane, check, gros, c'est pas la guardia. J'ai pleuré pour l'amitié et ri face à la croix, le diable. De l'autre côté de la terre, j'savais ça parle chinois, mais j'voulais voir le monde, la misère, j'l'avais en bas de chez moi, mec. Quand le rap tous pour boycotter ta rime, je m'évade de là. Parce qu'on rêve tous de l'autre côté de la rive et de prendre le large à se rendre par chaud. De Toulouse à Garches, quelle que soit la marche, on boite la marche, on garde l'air marrant tant que la barre chauffe. Chaque chose en son temps, là c'est celui de se barrer. Vu qu'ici y'a plus de disciples, sinon 7 sur 8 sont pareils. Pareil que les contrées sont grandes, là où le soleil se lève. Au final, quand je me sens minable, je rêve pour que mon sommeil s'élève. Mais la chute est brutale, laissez-moi me tailler là-bas, noyer la base de chaud de larmes. Mes espoirs seront butés plus tard, ma gueule. Du nord au sud, la bonne voie, c'est ce que l'on recherche. À l'opposé de chez moi, les reçu me rappelle combien le bonheur est cher. J'plane tel un condor sur la cordière des Andes pour oublier que pendant qu'on dort des corps de corbillards descendent. Alors je remets le trac en boucle, mais on l'a peut-être promis que le futur mène chacun de nous vers sa terre promise. J'ai grandi entre fantômes et schizophrènes, besoin de violence dans mes écrits comme un besoin de plomber ces prix Nobel. J'ai tenté le démon, planté le décor et puis tracé ma route sans vraiment compter les kilomètres chez moi. J'y suis allé jusqu'aux abysses pour en voir le fond. Seul ou en équipe, on a pleuré plus qu'on a ri. Voir le monde car à l'opposé de chez moi, c'est beaucoup plus trash. Tu peux le voir sur le visage de Vice quand il parle de cause à moi. Parle pour mes congénères, ceux qui vendraient mère et père pour voir du pays enfermé. Mais dans une soute ou un conteneur. De l'autre côté de chez moi, c'est pas la même, c'est sûr. Je l'ai bien compris, ce jour d'avril sur le pont fait d'herbe. À me faire les dents sur l'asphalte oranaise, la poisse au travers de la gorge. Je résume la vision de l'ascar au rabais. Je referai le monde une fois de plus avec les mêmes HLF dans une cité ardente. Car chez nous, toutes les routes mènent à Liège. Ceux qui se semblent s'entretuent, les opposés s'attirent. Les mains vides devant le char et de l'autre côté s'attirent. Quand même la vie de famille peut engendrer des larmes par dizaines. Une pensée pour ceux d'en face, André Sam Martinez. Comment dirais-je, les désirs diffèrent. D'ici à là-bas, tu tendras la main à celui qui décidera de t'abattre. Les humains se déchirent, les territoires s'arrachent. Ça rappe dans tous les coins, mais personne n'écrira ma life. La terre est ronde et j'irai me saouler à sa source. Sous mes pas, là vous ne pourrez pas me trouver dans la course. Mon est à moi, donc allez-y, faites comme chez vous. N'hésitez pas, aucun endroit ne vous abrite d'un mauvais coup. Et je cultive nos différences, je l'évite parce que je ne sais pas. Moi j'aime quand nos vies se mélangent. Donc je me cherche dans tout élément. Tant que je tiens debout, je joins les deux bouts de l'aimant. Juste plus loin qu'un œil voit mal, crève-moi l'autre. Plus loin, je le deuil noir, moi, la grêle wallonne. La même voix d'ogre parle froid, terre neuve. La guerre moi l'homme, parfois même les terres neuves. Au fond du sac, mille nez, le vétéran kilos. Au fond du sale, miné, les terres en kilos. En mer d'hiver, blanc, gris et chaos. Là-haut, l'armée de l'air libère Bangui et Gao. Allô, procès, le schéma est simple, il faut que tout saute. À l'opposé, chez moi, les zincs, si fort tout saute. La mer story, boîte et penche vermine. La même story, la même boîte de planche vernie. Le cachot, c'est la manche, banal, pantin, j'plantin. Facho et mange des bananes plantain. Vu notre époque, il faut du blé ici, là-bas. Une autre école de l'ONU que les missiles à Baba. Si les syllabes pouvaient se confier, elles seraient muettes, pense l'asiatique, comme si ces larmes pouvaient se compter. Assise là dans ses guenilles, je crois bien qu'elle n'attend plus que la mort. Puisque la mère lui a tout pris, que ses espoirs n'ont plus de talent. À l'opposé de chez moi, entre les gravats et cadavres, de ses yeux, elle a pu voir que la misère aggrave les carnages. Ce soir, la mort n'a pas l'âge, rien pour éponger ses mots. Loin de chez moi, dans cette balade, je suis bon qu'à griffonner ses mots. Comme l'exage, je reste droit, conscient de ce que mes progrès témoignent. Donc, tout comme lui, je ne peux pas taire ce qui se passe à l'opposé de chez moi. Il reste là à se demander encore quel drame a-t-il à vivre là, de l'autre côté du mur, si loin des plages. De la vive, entre peine, ruine, les souvenirs qui lui plaira vivre. Obsédé par la vengeance, le goût du sang lui plaira vivre. Reconnaît naître qu'un con qui braille dans l'antipode. Mais il est temps que les esprits sachent ce qui se passe aux antipodes.